C'est fini détailler les barrettes. Yeah. Ils sont jaloux, je sais, mais je m'en balèque. Yeah. Elle veut jump avec moi sur ma planète. Yeah. Son boulet, c'est Tilly, son balèze. Yeah. Elle aime les sacs, j'aime les mallettes. Yeah. Elle veut les bijoux, les paillettes. Yeah. J'emmène aux galeries Lafayette. Yeah. Céline, Gucci et Jeannette. Yeah. Ma jolie, son poussy est tellement sweet. À deux doigts de filer le diabète. Elle rentre dans la chambre et je la déshabille comme Justine et Janet. Elle raquette un rappeur tous les samedis. Elle s'allume le nez dans les toilettes. Devant les métaux, ça détale vite. Les potes, ils ont plus la même énergie. Yeah. Bounce, baby, rebondit. Yeah. Faut le salaire des kiki de Bondi. Yeah. Ma bitch, elle est bad, elle est bougie. Yeah. Mais elle sait comment tenir le Uzi. Yeah. Bounce, baby, rebondit. Yeah. Faut le salaire des kiki de Bondi. Yeah. Ma bitch, elle est bad, elle est bougie. Yeah. Mais elle sait comment tenir le Uzi. Yeah. Les boys, ils veulent se mettre à ma table. Mais ils ont du mal quand faut payer l'addition. Yeah. Céline, Céline, Céline, Céline. La tête est au yep comme Dion. Yeah. Laisse ta wife à la maison, car ça pourrait finir comme futur escari. Yeah. La lombo vient tout droit d'Italie. La marijuana, elle vient tout droit de Cali. Yeah. Madonna, Madonna, Madonna, Madonna, ses narines sont pleines de Madonna. Yeah. Le lundi, la Royale, le mardi, Nautilus, le mercredi, Charlotte, Daytona. Yeah. Elle m'a dit, mon bébé, apprends-moi à flex et finesse, apprends-moi les bails. Yeah. Le seul moyen que tu finisses un jour dans la presse, c'est que tu dors. Yeah. Elle aime les jokes qui sont pas nets. Yeah. Elle fait des bêtises en cachette. Elle a les mains sur ma braguette. Yeah. Moi, j'ai les doigts sur les palettes. Yeah. Elle aime les jokes qui sont pas nets. Yeah. Elle fait des bêtises en cachette. Elle a les mains sur ma braguette. Yeah. Moi j'ai les doigts sur les palettes. Yeah. Bounce, baby rebondit. Yeah. Faut le salaire des kiki de Bondi. Yeah. Ma bitch elle est bad, elle est bougie. Yeah. Mais elle sait comment tenir le Uzi. Yeah. Bounce, baby rebondit. Yeah. Faut le salaire des kiki de Bondi. Yeah. Ma bitch elle est bad, elle est bougie. Yeah. Mais elle sait comment tenir le Uzi. Yeah. Faut le salaire des kiki de Bondi. Yeah. Faut le salaire de Kiki de Bondi, yeah.